Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Je te vois rêver de cette ville-là. Ne regarde pas les envies pas. Non, non, non. Crois-moi sur parole, je pourrais te donner bien plus qu'une simple villa. Oui, je le peux. Je sais même pas pourquoi je te dis je ça. C'est peut-être mon cœur qui me dit de faire ça. Tes problèmes seront les miens. Comme des amis, on dansera le mia. Ah, regarde dans mes yeux, qu'est-ce que tu l'es. Écoute-moi parler, qu'est-ce que t'en dis. Je suis la pièce du puzzle qui te manquait. Ah. Ta boussole quand tu te perds. T'inquiète, j'irai nulle part, je suis là pour toi. Je te donnerai tout en temps et en heure. Mais attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. J'aime ce genre de feeling. De l'avenir, on en parlera. Plus tard, non pas maintenant. Mais profitons de ce moment. Yeah. La vie devant nous, on attend. Yeah. Ne pense à rien, on se détend. Yeah. Fuck les règles, on fait ce qu'on veut. Pour l'instant, il s'agit de nous deux. Ah, regarde dans mes yeux, qu'est-ce que tu lis. Écoute-moi parler, qu'est-ce que t'en dis. Je suis la pièce du puzzle qui te manquait. Ah. Ta boussole quand tu te perds. T'inquiète, j'irai nulle part, je suis là pour toi. Je te donnerai tout en temps et en heure. Attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis la pièce du puzzle qui te manquait. Je suis ta boussole quand tu te perds. T'inquiète, j'irai nulle part, je suis là pour toi. Je te donnerai tout en temps et en heure. Mais attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Attends deux minutes, attends deux minutes, attends deux minutes. Attends deux minutes, on n'est pas pressé, pressé.